s'ils réalisent ce qu'ils veulent réaliser. Dans le même temps, au niveau du conseil départemental, il semble que les donations de terres sont en train de se faire dans cette période. Mais dans le même temps, pour répondre à vos questions sur le dossier, nous avons notre ami et avocat Pierre Eddy qui est là. Donc peut-être il va donner lui-même une première appréciation de ce qu'il pense. Tous, j'espère que vous m'entendez bien malgré le masque. Je peux effectivement répondre à quelques questions si vous voulez, même si juridiquement on est vraiment au début de l'analyse du dossier. Mais peut-être avant ça, enfin, sur les étapes juridiques qui ont déjà été passées et les suivantes qui vont arriver. Donc comme l'a dit Jean-Marie, donc il y a ce projet d'aménagement qui concerne la partie derrière moi, notamment pour la construction d'un certain nombre de logements, donc 1300 logements. Ce qui s'est passé, donc, c'est dans le cadre, vous le savez évidemment, du cluster des médias qui fait partie du programme d'aménagement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On ne fait pas tout l'historique évidemment sur les JO, la désignation de la ville, le programme d'aménagement, etc. Mais ce qu'on peut retenir comme date, c'est juridiquement ce qui s'est passé l'an dernier, au mois de juillet, où il y a eu une création sur cette zone d'une concertée, donc d'une ZAC, qui a été actée au mois de juillet 2019, donc de 70 hectares pour le cluster des médias. Donc ça concerne évidemment Duny, ça concerne les villes aussi limitrophes, comme la Courneuve. Mais sur la partie du Uni, donc ce qui nous le plus, c'est ce programme de logement. Donc la ZAC, qu'est-ce que c'est ? C'est on définit un périmètre, donc en l'occurrence de 70 hectares, et on définit un programme de travaux, d'aménagement, d'ouvrage qui va être implanté sur ce périmètre-là. Donc c'est à cette occasion-là qu'on a figé ce programme de cluster des médias, quel type d'aménagement, pour quelle fonction, quel périmètre, quelle surface de plancher, enfin toutes les données techniques des aménagements qui sont prévus. Ça, c'est la première chose. La deuxième étape a également eu lieu au mois de juillet, c'est la déclaration d'utilité publique de la ZAC. La déclaration d'utilité publique, ça sert à l'aménageur, donc la Solideo, à exproprier si besoin les propriétaires des parcelles qui l'intéressent pour ensuite les céder aux aménageurs. Donc une fois que la ZAC est déclarée d'utilité publique, on considère, donc, comme son nom l'indique, qu'il y a une utilité publique, donc d'intérêt général, à faire ces aménagements-là, et donc on ne peut plus s'opposer à la cession des parcelles concernées. Donc ça, c'est les deux premières étapes juridiques qui ont eu lieu au mois de juillet dernier, et la dernière grosse étape qui a eu lieu au mois de novembre, donc très récemment, le 12, c'est l'autorisation environnementale qui concerne donc le cluster des médias dans sa totalité. Une autorisation environnementale, c'est un peu technique juridiquement, donc résumé, la réglementation donc environnementale en droit français, donc du code de l'environnement, soumet certaines opérations à des régimes de contrôle, donc d'autorisation. Vous devez solliciter des autorisations auprès de l'administration pour faire un certain nombre d'aménagements quand on considère que c'est à l'environnement. Donc il y a toute une série d'autorisations qui sont concernées, et l'autorisation environnementale, si vous voulez, c'est l'autorisation unique qui chapeaute toutes ces autorisations-là. Donc le préfet, au mois de novembre dernier, a délivré à la Solideo l'autorisation de faire ces aménagements au regard de la réglementation environnementale. Ça veut dire quoi ? Ça concerne trois choses en particulier. Ça concerne les opérations de défrichement. Donc le défrichement est soumis à autorisation. Donc la Solideo l'a sollicité auprès du préfet. Ça concerne également tout ce qui concerne les aménagements qui peuvent nuire à la ressource en eau. Donc ce qu'on appelle les autorisations IOTA, donc qui se basent sur la loi sur l'eau. Ces deux premières autorisations concernent assez moyennement l'air des vents. Au plus, c'est l'autorisation qui permet de déroger à la destruction d'espèces protégées. Donc à la destruction des espèces en elles-mêmes et des habitats de ces espèces-là. Donc en droit français, les espèces protégées donc, sont protégées, comme leur nom l'indique. Donc on ne peut pas détruire, enfin on ne peut pas leur protéger l'habitat. Mais bien évidemment des dérogations qui existent, et ces dérogations, on doit les solliciter auprès du préfet. Et donc toutes les autorisations dont je viens de vous parler ont été accordées par le préfet dans le cadre de l'autorisation environnementale du mois de novembre. Et c'est cette autorisation-là qu'on va saisir le juge administratif pour contester la légalité de cette décision du préfet et essayer de la faire tomber tout bêtement, sachant que sans cette autorisation, la Solideo ne peut pas exploiter le média. Donc serait soit obligé d'abandonner le projet, ce qui est peu probable, mais sinon obligé d'adapter son projet l'adapter à la législation. Par exemple, si on considère que les dérogations accordées pour la destruction des dépassent ce que la législation permet, la Solideo sera obligée d'adapter son projet pour que la destruction d'espèces protégées soit moindre. Voilà, c'est un peu l'objectif qu'on va essayer d'atteindre dans le cas de ce contentieux-là. Il y a d'autres étapes j'ai derrière qui sont, une autre en particulier importante, qui est la délivrance des permis de construire. Donc c'est la dernière grande étape en fait, si vous voulez, sur les quatre. Et donc la Solideo a communiqué et on sait qu'en gros les demandes de permis de construire vont être déposées en début d'année prochaine. Et on s'attend à une délivrance des permis au troisième trimestre 2021. Les permis de construire, c'est l'autorisation administrative qui permet, vous le savez sûrement, de construire concrètement les aménagements. Enfin, tout de suite. Donc on a ces quatre grandes étapes. Les permis de construire pourront éventuellement être contestés, mais en matière de permis de construire, on ne parle plus vraiment de législation environnementale, mais c'est vraiment la législation d'urbanisme. Donc ça nous concerne un petit peu moins dans le sens où on veut savoir si les constructions sont conformes au plan local d'urbanisme, etc. Sur ces questions-là, on a beaucoup moins de prise et c'est beaucoup moins prégnant d'un point de vue environnemental que l'autorisation qui a été délivrée au mois de novembre. Donc le gros sujet, c'est vraiment l'autorisation novembre 2020 pour laquelle on va saisir le juge administratif. Il y avait une question ? Juste pour vous expliquer un petit peu comment on va s'organiser, parce qu'on est un petit peu nombreux. Donc pour les personnes en fait qui veulent souhaiter des questions, on va juste comme ça. Et on a une collègue qui va... Hein? Donc juste lever la main et on a une collègue qui va venir vers vous en respectant les distances et qui va vous donner le micro. Donc voilà pour qu'on puisse tous... Oui, une question très très courte. Parmi les actes que vous avez cités, cette semaine, il y a eu aussi le déclassement par le conseil départemental, le déclassement des terrains et donc la cession. Il y a une élue, je pense, qui s'exprimera là-dessus. Mais l'acte de déclassement, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est et ça aussi, est-ce que ça peut être contesté et attaqué, y compris peut-être en référé suspension, point d'interrogation. Alors, j'ai eu connaissance de ce déclassement ce matin, mais pour être honnête, j'ai pas très bien compris si c'était, on parlait d'un déclassement du domaine public ou un déclassement des zones naturelles sensibles. C'est deux choses différentes. Oui, peut-être. Pardon. Excusez-moi, bonjour. Donc, moi, je suis élue au conseil de Saint-Denis, élue de Saint-Denis et de Estaing. Et donc, jeudi matin, c'était la commission permanente. Donc, c'est un vote de décision, de délibération. Qui concerne donc les élus de l'exécutif et les présidents de groupe. Et donc, il y avait trois dossiers concernant donc, le terrain de l'air de vent. Et donc, le premier, c'était donc, le déclassement du domaine public. Et les deux autres, c'était la cession du territoire, du domaine de l'air de vent pour les clusters médias et la cession donc, à Solideo. Donc, on vous mettra les rapports à disposition à partir de lundi parce qu'il faut les extraire de l'ensemble des dossiers. Et pour vous dire que notre groupe insoumis et communiste, nous avons voté contre. Nous étions trois et nous avons évoqué donc notre mobilisation qui nous a alertés pour les dangers et la gravité de ces sujets. Parce que jusqu'à maintenant, c'est qu'on nous disait, et c'était que le parc va avoir l'extension du parc de l'autre côté. Parce que nous avons aussi suivi, il y a peut-être quatre mobilisations pour garder le parc contre le projet Castro. Et à l'époque, donc, c'était une victoire des mouvements sociaux. Et on a gardé ça dans l'esprit et on nous a promis une extension du parc. Et donc ce projet, autrement maintenant, si on peut comprendre comme ça, le projet de construire dans le parc est revenu avec l'esprit de ce cluster média dans l'air de vent. Et nous trouvons que ce n'est pas acceptable. Et la cession de table et ce projet n'est pas acceptable. Mais nous sommes minoritaires, donc notre vote n'a pas changé les choses. Mais donc je me permets aussi de poser une question, parce que est-ce que nous aussi, en tant qu'élus, avec les citoyens mobilisés, est-ce qu'on peut faire avancer, changer à l'heure actuelle? Merci. Merci. Alors du coup, je réponds à la première question déjà. Donc, le déclassement domaine public, peut-être un petit rappel pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle. Donc le domaine public, ce sont en gros les parts qui appartiennent à une personne publique, donc en l'occurrence le département, et qui sont affectées soit à un domaine public, soit à l'usage direct du public. Donc là, typiquement, on est dans le cas où on est sur l'aire des vents, donc avec des parcelles qui appartiennent au département, enfin, qui appartiennent peut-être plus pour longtemps, mais en tout cas, sont dans le patrimoine du département. Alors quand je dis le département, je parle là du conseil départemental, bien entendu. Donc à une personne morale de droit public. Et qui sont affectées à l'usage direct du public, vu que toute personne, tout administré, même, enfin toute personne vivant à proximité, peut se rendre, a accès au parc et peut en profiter librement. Le domaine public, la particularité, c'est que les parcelles qui appartiennent au domaine public ne peuvent pas être vendues. Donc elles sont protégées par un régime spécial qui les empêche d'être vendues, parce que si elles sont affectées au public ou si elles sont affectées à un service public, on ne peut pas les vendre à un promoteur privé ou à qui que ce soit. Donc le déclassement sert à faire sortir ces parcelles-là du régime du domaine public pour les faire rentrer dans un régime de droit à pouvoir légalement les vendre à un tiers. Donc évidemment, ça implique une délibération donc, qui a été prise visiblement jeudi dernier. Cette délibération peut évidemment être contestée comme toute décision de l'administration devant les tribunaux. En référé, le référé suspension, c'est une procédure d'urgence qui permet de suspendre un acte pour que la personne qui l'a prise ne puisse pas l'exécuter. Ça implique qu'il y ait quand même une urgence à suspendre cet acte-là. Au-delà de l'illégalité, il faut qu'il y ait une urgence particulière. Donc, par exemple, action imminente. Donc, j'imagine que là, le département a aussi habilité le président du département à signer des promesses de vente ou ce genre de choses. Donc à concrètement vendre les parcelles à la Solideo. Donc s'il y a une imminence de la vente, on pourra sûrement soutenir qu'il y a prendre l'acte. L'urgence ne suffit pas, il faut aussi que l'acte soit illégal. La légalité d'un déclassement s'apprécie par rapport à l'usage qu'on fait des parcelles. Et donc des parcelles qui sont encore affectées à un service public ou à l'usage direct du public ne peuvent pas être déclassées. Donc on peut contester aussi un déclassement. À mon avis, ce sera compliqué dans ce cas-là d'un point de vue juridique pur, mais c'est quelque chose de tout à fait faisable théoriquement, enfin, vu que c'était la question qu'on m'a posée. Oui, tribunal, et oui, en référé suspension, pourquoi pas, si une urgence peut être démontrée. Il y avait une autre question. Je vais peut-être retirer le chapeau. Merci. Bon, moi, je suis très intéressé par ce que vous dites, c'est la lutte judiciaire, mais je crois qu'une lutte judiciaire se mène aussi bien s'il y a effectivement un soutien populaire. C'est indispensable. Je pense que toutes les lois, les décrets, tous, se sont appuyés sur... Rappelez-vous, 24 000 logements, c'est grâce à vous, à ce que vous avez fait autour de vous, les pétitions que vous avez fait signer. Ce parc, il est une parc de cohésion sociale. C'est un parc populaire, vu par des visionnaires. Maintenant, on a affaire aux gestionnaires. Et bien, par rapport aux gestionnaires, il faut qu'on effectivement, de façon juridique, parce que ce parc-là, il a effectivement cet aspect air des vents. Cet aspect air des vents, je le connais moins, moi, je viens moins souvent. Où je viens le plus souvent, c'est le parc. Mais pourquoi je viens moins souvent? Parce qu'on a tout fait pour que je vienne. Je viens avec un vélo, vous voyez comment je peux passer. Si je viens faire un char à voile, voilà. On voit effectivement, il est quand même utilisé. Vous avez sur ces terres un seul banc. Je suis prêt à vous l'envoyer, je l'ai pris en photo. Et je l'ai réussi. Ah bon. Et vous n'avez aucun jeu d'enfant. Depuis quelque temps, cet espace est considéré comme une réserve foncière de la part du département. C'est ça qu'il faut qu'on crie à l'injustice. C'est notre argent et ce sont des voleurs. Donc contre les voleurs, il faut la loi, c'est sûr. On vous appuiera aussi qu'on le dénonce. Voilà. Merci. En tous les cas, tous les dimanches, tous les derniers dimanches, on est sur le parc, on continuera à défendre ce parc, qui est notre poumon vert. Merci. Une deuxième personne en rouge, si vous voulez parler. Tu veux... Oui, je crois qu'il y a une... On n'y a peut-être pas fait attention, mais ce que l'élu vient de dire est quand même une nouvelle importante. C'est important qu'il y ait des élus du conseil départemental qui refusent la perte et l'urbanisation de cet espace. Et dans les combats environnementaux, quand on arrive à les mener complémentairement, la société civile, vous tous et vous toutes, avec des élus, chacun faisant son travail de façon complémentaire, c'est un argument, c'est un moyen d'arriver à obtenir satisfaction. C'est très important qu'il y ait des élus du conseil départemental qui commencent à se manifester et à bouger. Il y en aura peut-être d'autres qui bougeront, il y en a trois qui ont bougé. Et je crois que ça, c'est un élément important sur cette lutte et la mobilisation qui progresse. Donc, c'est vrai que d'un point de vue juridique, on sait qu'on arrive à ce qui va être compliqué, mais là, il y a que ce qui s'est passé au conseil départemental est quand même essentiel, et je pense qu'il faut s'en réjouir aujourd'hui, parce que ça nous donne un élément d'espoir pour arriver à avancer sur ce dossier-là. Cela sur le triangle de Gonesse, j'en profite puisque j'ai le micro. Le 17 janvier, ça circulera, il y a la prochaine ZAD dimanche sur le triangle de Gonesse. J'espère qu'on se trouvera aussi nombreux, quelles que soient les nouvelles que l'on ait. Pour l'instant, on attend des informations politiques, mais on n'est pas sûr. Mais quelle que soit la façon dont ça tourne, le plus nombreux possible sur le triangle le 17 janvier. Merci. Est-ce que vous aviez d'autres pour l'avocat? Bonjour, donc moi je représente le collectif citoyen Notre Parc n'est pas à vendre. Et ma question en fait, c'est que dès l'annonce en pratiquement 2017, toute la communication de la Solideo, département, a été de présenter l'aire des vents comme étant externalisée du parc. C'est-à-dire que on parlait toujours du parc Georges Valbon et du projet du village immédiat sur l'aire des vents, sur le parc de l'aire des vents. Dans l'intitulé de base, en fait, donc il y a une confusion. Il y a quelque chose qui est imprécisé par omission dès le départ, c'est de ne pas décrire l'aire des vents comme étant partie intégrante du parc. Donc il y a à revoir en fait ce postulat qui est faux déjà. Et là je voulais dire en fait pour là nous sommes présents aujourd'hui le 13 parce que le 17 décembre le CIO doit valider le conseil d'administration de la Solideo et ses attributions justement à ces preneurs de l'eau, à ces groupes d'opisseurs et ces promoteurs qui ont été choisis pour cette première partie d'urbanisation. Et donc le fait de rétrocéder, enfin de céder ce foncier avant que le CIO valide le conseil d'administration, précipiter en fait qui se joue et à savoir si se précipiter a une valeur légale ou illégale, parce que il y a un parallélisme certainement entre les décisions que le conseil départemental prend et aussi la validation par le CIO qui lui l'acteur qui tranche. Donc voilà, c'est ma question à savoir si quelle est la place en fait c'est peut-être la réponse un peu difficile, mais du CIO par rapport à tout ça et de dire aussi est-ce que la loi olympique est-tu jusqu'à quel niveau est-elle au-dessus de tous les engagements et de tous les accords environnementaux à l'heure actuelle face à l'urgence climatique. Jusqu'à quel point peut-elle être aussi autoritaire et comment peut-elle servir autant les élus pour des projets de cet ordre-là qui sont inacceptés par la population depuis 5 ans? Je vais commencer par la deuxième question. En soi, il n'y a pas de problème à le faire préalablement à la désignation officielle, puisque je comprends que c'est le CIO qui tranche, comme vous dites. Des futurs aménageurs, enfin des futurs propriétaires en fait des parcelles qu'on va déclasser. Je sais pas si j'ai pas lu la délibération qui a été adoptée. Ils sont nommément désignés. Je ne sais pas en fait. Faudrait qu'on se parle et surtout qu'on consulte les documents pour pouvoir répondre. Mais le fait de déclasser, ça veut juste dire qu'on va pouvoir vendre dans le futur. Après, le fait que les vendeurs ne soient pas nommément désignés en soi n'est pas un motif de l'acte de déclassement. J'essaie de dire les choses un peu simplement, mais on peut déclasser dans un premier temps parce qu'on sait qu'on va vendre sans savoir à qui, et ensuite décider par une procédure éventuellement de mise en concurrence, même si ce n'est pas le cas en l'occurrence, mais les futurs acquéreurs des parcelles. Donc moi, de problèmes théoriques avec les informations que j'ai à ce stade. Sur la première question, ça va me permettre de préciser quelque chose. Il va falloir distinguer ce qui relève du juridique et ce qui relève du reste. C'est très important dans le cas présent. Effectivement, j'entends bien que l'Aire des Vents fait partie du parc Georges Valbon. Enfin, nombreuses personnes le soutiennent et je l'entends totalement. D'un point de vue juridique, c'est moins le cas. C'est-à-dire que le parc Georges Valbon, au regard de la législation environnementale, fait partie d'un secteur distinct. Quand je parle du parc Georges Valbon, je parle du parc Kellogg Park, sans intégrer l'Aire des Vents. Le parc Georges Valbon, donc hors Aire des Vents, fait partie juridiquement de plusieurs périmètres environnementaux, notamment d'une zone. Les zones Natura 2000, ce sont, pour ceux qui l'ignorent, ce sont des zones qui sont à sauvegarder d'un point de vue de la biodiversité, en raison de la richesse de la biodiversité qu'elles contiennent, donc qui font l'objet de mesures de protection particulières par rapport à d'autres zones. Et la zone Natura 2000 du parc Georges Valbon aux frontières du parc, enfin, ne déborde pas sur l'Aire des Vents. Le parc est également une. Vous m'entendez bien, oui. Oui, voilà. Une zone naturelle, enfin, d'intérêt écologique, faunistique et floristique. C'est un peu le même principe, les zones Natura 2000, même si les mesures de protection sont bien moindres. Mais pareil, on est dans le même cas, le périmètre de cette ZNIEF en question ne déborde pas sur l'Aire des Vents. Donc là où, d'un point de vue de cohérence de la biodiversité, on peut considérer que les deux parcs sont une seule et même entité, juridiquement, on ne peut pas considérer que c'est le cas. En tout cas, on ne peut pas prendre les mesures de protection Natura 2000 au parc à l'Aire des Vents. C'est un peu la difficulté qu'on a dans ce dossier-là, c'est que Le parc de l'Aire des Vents, juridiquement, est très peu protégé. Par contre, on peut s'appuyer sur le fait qu'il y a quand même un certain nombre d'espèces protégées et d'habitats qui vont être détruits. Et l'autre chose, c'est la fonction de ce parc-là par rapport aux zones qui, elles, sont protégées, aux zones Natura 2000. Donc le parc Georges Valbon en premier lieu. Donc cette fonction de relais par rapport aux zones Natura 2000 sera évidemment à mettre en avant juridiquement. Voilà. Je le sais, en fait, c'est juste sur un plan juridique administratif. L'Aire des Vents fait partie du territoire du parc Georges Valbon, qui comporte plusieurs secteurs, certains qui sont classés Natura 2000, et d'autres comme l'Aire des Vents, qui est un secteur du parc, qui est 2000, qui était classé espace naturel sensible et corridor écologique et un espace boisé classé. Mais la question, c'est que l'Aire des Vents fait partie du périmètre du parc Georges Valbon. Donc, l'âge des médias se fait à l'intérieur du parc Georges Valbon, sans prendre en considération les statuts écologiques. Juridiquement, administrativement, foncièrement, l'Aire des Vents fait partie du parc Georges Valbon. Donc, le village des médias, par rapport à cette communication qui est écrite, se fait bien à l'intérieur du parc Georges Valbon. Dans l'histoire du parc Georges Valbon, il faut savoir que c'est la première fois depuis 60 ans, 70 ans que le parc serait réduit alors qu'il a toujours été en extension. Mais c'est surtout que l'Aire des Vents fait partie intégrante du parc. Donc, face à cette communication qui, jusqu'à m'interroger, enfin, moi, je regarde depuis 2 ans tous les dossiers, jusqu'à s'interroger si le CIO a même pris la mesure que le village des médias, il peut abuser, voilà, dans les dossiers, de pas prendre en compte le fait que ce soit dans un parc public que le village des médias se ferait. Un parc public, bien sûr, mais global, qui est le parc Georges Valbon. Donc, ça change tout de l'Aire des Vents, du parc Georges Valbon, enfin, de l'autre partie, enfin, du reste, qui serait le parc Georges Valbon. Enfin, c'est... voilà. Donc, non, il faut absolument... Enfin, moi, ce qui manque comme document... Enfin, comme document tangible, et qu'on a interrogé pas mal de fois. Là, j'attends la réponse du directeur du parc aussi. Là, il y a un document foncier. Enfin, je veux dire, l'Aire des Vents fait partie du parc. Donc, c'est nous, notre engagement militant, il va se faire sur ça. Enfin, si ça tourne mal, c'est que ça reste le postulat, c'est que le village des médias, les JO, les dérogations olympiques, la loi olympique, permet d'entériner pour la première fois le fait qu'on peut vendre chose qu'on avait refusée en 2015 et qui avait été la même intention. Voilà. J'entends bien. Mais j'ai juste répondu d'un point de vue de législation environnementale, puisque c'est l'autorisation environnementale qu'on va déférer devant le juge administratif dans les semaines à venir. Et donc, de ce point de vue-là, même si j'entends tout ce qui vient d'être dit, c'est juste c'est un peu dommage, mais qu'on ne peut pas se prévaloir des mesures de législation qui protègent environnementalement le parc Georges Valbon et les appliquer directement à l'aire des vents. C'est juste ça que je voulais dire, même si entre les deux. Et peut-être d'un point de vue de communication et de lutte politique, c'est évidemment un élément à mettre en avant. D'un point de vue juridique, c'est beaucoup plus compliqué, si vous voulez. Voilà, je voulais juste faire cette précision-là, puisqu'il va y avoir une différence de perception et le politique. Voilà. Ok, alors s'il n'y a pas d'autres questions, déjà merci. Une dernière question ? Quand on dit que le parc de l'Aire des Vents n'est jamais utilisé, je suis responsable d'une association départementale de cyclisme, c'est la DSC 93. On est sous le parrainage du Conseil Général en plus. Et on utilise le parc de l'Aire des Vents pour des pistes de avril à juin, puisqu'après le terrain est laissé pour la fête de l'UMA jusqu'au mois de septembre. Et on utilise également en hiver pour les cyclocross. Il y a à peu près 9 clubs qui organisent régulièrement des compétitions sur l'aire des vents. Et des gamins, on a des écoles de cyclistes, il y a plus de 150 gamins qui viennent régulièrement dans les compétitions. Et le parc, le mercredi après-midi, il est occupé également par plusieurs clubs de la Seine-Saint-Denis. Il y a Stein, il y a Aubervilliers, il y a La Courneuve, il y a Le Bourget, il y a Épinay. Donc c'est un terrain qui tout est utilisé par les écoles de cyclistes, parce que nous maintenant sur les agglomérations, au niveau compétition, aussi bien que pour les enfants, c'est les priorités à la voiture. Et donc, automatiquement, on se rapatrie, nous, sur cette aire des vents. C'est pour ça que depuis une dizaine d'années, nous l'occupons régulièrement pour les compétitions et les entraînements. Et là, malgré les plusieurs rencontres qu'on a eues avec M. Troussel et M. Annotin, responsable du Conseil Général, on nous avait promis que le parc serait légèrement occupé par cette partie, malheureusement, quand on voit le résultat, je crois qu'on est mal parti. Merci. Ok. Alors, pour vous dire un petit peu la suite du programme de la journée, on va donc il y a un livre dont ils vont parler pour que ça soit un peu plus simple et plus interactif. Ce qu'on vous propose, c'est qu'à chaque fois que la personne a fini de parler, de passer à des questions en lien avec ce collectif. Tout en sachant qu'après, on peut se parler aussi entre nous dans des discussions un peu plus informelles. Et j'ai vu Alpine qui sont en train de construire un truc à côté. C'est qu'on finisse la journée autour de cette construction, qui sera une construction symbolique, qui enracinera un petit peu la lutte, qui, comme vous l'avez déjà entendu, a déjà débuté ici depuis un petit moment, mais qui prend un nouveau virage. Et le fait qu'on soit aussi nombreux aujourd'hui et qu'on soit du 93, mais un peu aussi du 95 présent, moi je trouve ça que c'est super chouette. Donc du coup, on va commencer les prises de parole. Je sais pas quel est le premier collectif, on va faire ça un peu voilà, à la de parler en premier. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, donc Hamid Woudir, donc parent élu dans un groupe scolaire très loin d'ici, il est à presque 8 km. On va me poser la question, on va me dire pourquoi quelqu'un de Pleyel viendrait ici. En fait, pour la petite histoire, en fait, je suis rentré dans ces combats depuis décembre 2018. Donc en avril, j'ai écrit un courrier au président de la République dans lequel en fait je lui dresse en fait un tableau assez noir de ce qui se passera en Seine-Saint-Denis. Je lui montre en fait la surface émergée de l'iceberg, l'aire des vents, dans le parc Georges Valbon, groupe scolaire Pleyel Anatole France à Pleyel. Pourquoi je parle de deux sujets? Il y en a beaucoup plus, hein. Beaucoup, beaucoup plus. Pourquoi je parle de ces deux sujets? On n'a pas beaucoup d'espace vert en Seine-Saint-Denis. Et le peu d'espace vert qu'on a aujourd'hui, on essaye de les... La deuxième chose, on a des enfants en Seine-Saint-Denis, comme partout ailleurs. Sauf que, chez nous, en Seine-Saint-Denis, on se permet, et c'est littéralement ce qui va se passer. Donc, ce que je vous raconte là, ce n'est pas une image. Ce n'est pas une image. Un groupe scolaire de 700 gamins, âgés de 3 ans à 12 ans, va être mis littéralement dans un rond-point, à double sens, alimentée par 5 bretelles de l'autoroute A86. Groupe scolaire, 700 gamins dionysiens, va être mis dans un rond-point à double sens alimenté par 5 bretelles autoroutières. Ça ne s'est jamais fait et je pense que ça ne se fera jamais. Pourquoi ça se fait? Ça se fait sous la bannière des Jeux Olympiques 2024. La loi olympique, on se permet des choses qu'on ne se permettrait pas en d'autres circonstances. Pareil pour ces terres n'auraient jamais été investies de la Sarthe s'il n'y avait pas ces Jeux Olympiques 2024. Moi, personnellement, je ne suis pas contre l'organisation de ces JO. Le seul constat que je fais est que ces JO arrivent et c'est des catastrophes qui arrivent dans notre département. C'est des catastrophes qui arrivent dans notre département. Donc ce courrier, en fait, a été suivi d'une réponse du président de la République que j'ai reçue début mai, dans lequel il me dit « Je transmets votre dossier au ministre de l'Éducation, M. Blanquer, et au ministère de l'Écologie, De Rugy, qui est parti. » Je n'ai pas de réponse. J'ai une réponse de Blanquer qui me dit « Je vais transmettre Etteil. » Mais on voit bien que, en fait, c'est une patate chaude dont personne ne veut s'en occuper. Aujourd'hui, sachez que on a déposé en fait un recours le 22 janvier. La FCPE de la Seine-Saint-Denis a déposé un recours assistel de 13 requérants. Une suspension du projet a été délibérée en fait le 5 mai parce que le juge de la Cour administrative d'appel de Paris a émis des réserves sur les mesures de protection de ces gabarits à ce projet autoroutier d'envergure. 5 mois après, le 22 octobre, la même juridiction, donc la Cour administrative d'appel de Paris, valide le projet et rejette notre recours. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce dont on s'est rendu compte avec les avocats, c'est que le projet n'a pas bougé d'un iota et qu'aucune protection supplémentaire n'a été émise pour protéger ces gamins. Donc on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé entre le 5 mai et le 22 octobre? Donc là, le 7 décembre, on a déposé en fait un pourvoi en cassation. On va partir au Conseil d'État pour défendre ces enfants, nos enfants. Donc c'est juste pour vous dire que qui se passe aujourd'hui dans l'ère des vents, on est aussi une conséquence, comme le groupe scolaire Plein Atoll France, et nous sommes déterminés, mais vraiment déterminés, à aller jusqu'au bout de ce qu'il faut faire pour sauver nos enfants. Alors, on a un point technique. Juste avant de passer la parole à notre ami Natsuko, non, c'est pour vous dire que on ne se connaît pas tous. Au stand là-bas avec le drapeau MNLE, enfin, le deuxième stand, enfin, ou le premier en rentrant, on met des feuilles à disposition pour que vous puissiez laisser vos coordonnées, vos emails, tout ce que vous voulez, pour vous tenir au courant de la suite. Donc n'hésitez pas à aller inscrire vos coordonnées, ça sera utile pour vous et pour nous. Voilà, merci. Et pas tous en même temps parce qu'on est nombreux, et alors n'attendez pas la fin. Ok. Du coup, est-ce que vous aviez des questions par rapport à ce qui a été dit sur Playel ou pas? Avant de passer la parole. Ok, bah, du coup, je vais passer la parole à Natsuko. Bonjour, je suis Natsuko du collectif Non au JO 2024 à Paris. Donc, on est non, on est contre les JO et on réclame l'annulation de Paris. Et non seulement les JO de Paris, mais les JO de tous les JO qui viennent dans le 21e siècle. Non, Olympics Anniver, et le slogan qu'on a écrit, et Frédéric, je suis présent, elle peut signer cette putain de déclaration. On ne peut pas les JO, ni à Paris, ni ailleurs. Et je suis d'accord avec Hamid, avec les JO, c'est la catastrophe qui arrive. C'est systématique, c'est Athènes, Rio, et moi je connais toutes les catastrophes qui sont arrivées à Tokyo avec ce putain de jeu quoi. Et c'est JO de Tokyo, on ne sait pas s'ils ont rendu d'ailleurs. Et ce que je voudrais vous demander, c'est quand Tokyo sont annulés éventuellement, c'est possible. Est-ce que, en France, on réclame l'annulation des JO de Paris de notre part ou pas? Et c'est ce que je veux voir en France. Je veux montrer aux Japonais. Voilà, c'est tout de ma part. Merci. Alors, une réaction ? Oui, bonjour, Louisa du collectif de défense du parc. Rapidement, ce que je voulais dire, bon, par rapport aux JO, alors il faut savoir qu'on montre, mais tout ce qui compte, c'est de savoir qu'on peut faire les JO autrement, qu'ils soient non spéculatifs surtout. Hein. Même Dru, l'ancien ministre des Sports, avait dit que c'était pas normal de réutiliser chaque fois des infrastructures qui ont déjà été construites plusieurs fois et après casser, c'est pas normal, ça fait des budgets importants pour les pays qui partent en fumée. Donc on peut faire les JO autrement. D'autre part, concernant les parcs, vous savez que nos parcs publics sont de plus en plus en grand danger de privatisation. Il y a de plusieurs villes maintenant en région parisienne où des utilisent le terrain des parcs publics avec l'accord des maires pour faire des résidences privées. Il y a l'année dernière à Aulnay-sous-Bois, grâce à un collectif d'habitants de défense, eh bien le maire d'Aulnay-sous-Bois a voulu construire beaucoup de résidences privées sur une partie de l'ancienne surface de l'usine Citroën. Et finalement, grâce à ces habitants, grâce à ce petit collectif qui s'est battu, et nous on assiste aux réunions aussi, et le maire a abandonné son projet. Hein. Donc ça prouve que la lutte, ça paye. Hein. Et soyons dans vos communes respectives à ce que les maires ne vendent pas les parcs publics aux promoteurs privés. Hein, voilà, dans le cadre du Grand Paris spéculatif. Merci. Oui, en tant qu'organisateur, quand même quelques mots. Parce que nous allons en même temps, ce matin, mis à disposition de l'ensemble des associations un communiqué de presse. C'est dommage de ne pas vous en donner connaissance. Donc je vais vous le dire. Après les mobilisations du 5 juillet, du 27 septembre, du 17 novembre, le 13 décembre, est un nouveau et grand moment de défense des espaces verts et de l'intérêt général. Le dimanche 13 décembre, à l'appel de 16 associations, dans le respect des règles sanitaires, 150 participants se sont retrouvés sur l'aire des vents pour dénoncer le saccage de ce bien commun et l'héritage que les aménageurs veulent laisser. Bétonisation, densification, imperméabilisation. Méprisant les exprimés par les citoyens inquiets, la machine à artificialiser les sols, à spéculer, est en marche. Lourde est la responsabilité des élus de la métropole du Grand Paris et du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et de Terre d'Envol, se faisant complices des choix macroniens. Ils proposent, ils cautionnent et accélèrent la destruction de cet espace public commun, un couloir écologique essentiel, un espace naturel avec ses arbres, ses écosystèmes, sa biodiversité, un lieu événementiel et détente pour tous. En traitant ce lieu de No Man's Land, c'est l'intérêt général qui est sacrifié. Et en fin de mon propos, ce qui a été distribué, la merde qui a été distribuée dans les boîtes aux lettres, ça a été signé de Duny. Ça me rappelle quelque chose sur le terrain de Gonesse. C'est l'illustration d'un gouffre abyssal entre les perspectives alarmantes des scientifiques quant au péril grandissant menaçant les écosystèmes et le vivant et les choix environnementaux faits par les institutions. Comme sur les prises de position de la Convention citoyenne sur le climat, les déclarations d'intention ne suffisent pas. Pour éviter la catastrophe, des actes concrets sont indispensables pour répondre à l'urgence. En décidant de ne pas tenir compte des besoins des populations et des évolutions climatiques de plus en plus irréversibles, ils font le choix délibéré de mener un acte de délinquance environnementale sur le lieu même de l'accord de la COP21, ici, sur le terrain, il y a tout juste 5 ans. Hein. Et là, ils avaient trouvé le moyen de faire des constructions en provisoire à l'époque, qu'ils ne veulent pas faire dans le cadre des JO. Face à cette violence, seule la détermination, la mobilisation du plus grand nombre et le recours à la justice peuvent faire opposition à ce projet climaticide et faire sauter les barrières et renverser la table. Qualifiés d'intensificateurs urbains, les IOP de 2024 leur promesse Ils entraînent des destructions massives de jardins, d'espaces de détente, par une bétonisation, une densification sans précédent sur tout le département. Le cluster des médias peut être construit en provisoire sur l'aire des vents. Cela éviterait d'artificialiser 70 000 mètres carrés avec l'amputation, la destruction de cet îlot de fraîcheur, de détente familiale, sportive, on l'a entendu tout à l'heure, et de biodiversité. Partie intégrante de Georges Valbon et son label Natura 2000, elle est à la disposition de tous depuis 60 ans. La Seine-Saint-Denis est un territoire dense qui cumule inégalité et vulnérabilité, mais qui dispose encore suffisamment de fonciers à ôter, supprimer les espaces verts naturels. L'aire des vents en fait partie. Bien au contraire, pour rétablir l'équité territoriale, la priorité passe par le maintien et l'accroissement des espaces verts. La cession de ce foncier, hors de raison. Notre exigence, notre exigence, c'est une ville où il faut bon habiter, circuler, travailler, apprendre, se cultiver, flâner, espace de vie et faire nos courses. La qualité de vie, ce n'est pas une ville minérale, comme ils veulent nous faire, rationnelle, une machine à sous, où toutes les fonctions sont soumises à la sacro-sainte loi du marché et à la métropolisation. Et nous espérons que beaucoup d'associations seront d'accord pour le signer. Un dernier petit mot. Je me fais aider, voyez, par nos amis du collectif du Triangle de Gonesse, le 95 et le 93. Voilà. Un petit mot. Donc distribué hier, appelant les Denisiens à ne pas s'exprimer face aux destructions. Celui-ci ressemble fortement à ce qu'ont exprimé les 10 vrais gens sur le projet d'Europa City, à l'époque sous la houlette de Blasi, mais aussi d'un nommé David Lebon. David Lebon, c'est qui? C'était le directeur d'Europa City à l'époque. C'est un ancien élu, ou il est peut-être encore, élu PS de Chartres, directeur de cabinet d'Anotin. Donc, il n'y a pas de hasard. Le torchon n'est pas signé, mais il réaffirme que l'aire des vents n'est pas un parc. Or, tous les panneaux que vous verrez sur le parc indiquent que l'aire des vents... D'autre part, ce serait un no man's land avec du bruit, des nuisances, de la pollution pour les Dionysiens. Mais nous savons que les plus pauvres de la ville et les plus âgés sont accrochés à leur aire des vents, et nous allons leur réaffirmer avec un écrit très prochainement. Ils veulent en même temps empêcher, bien sûr, 500 000 de gens de venir faire la fête de l'humain, surtout. Et nombre d'entre vous y ont sûrement participé. En même temps, c'est un lieu unique aussi pour les enfants, pour l'apprentissage du sport, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure. Non, messieurs, nous n'habitons pas les beaux quartiers, comme vous le prétendez. Nous sommes bien de Seine-Saint-Denis ou du 95, mais nous exigeons une qualité dont les aménageurs, les bétonneurs veulent nous priver. Il faut savoir que la compensation qui est proposée elle est proposée dans la forêt de Pierre-Latte. Il n'y a que 25 km pour y aller. Hein. Donc vous pourrez y aller à problème. Hein. Voilà. Dernier mot. Concernant la poursuite de l'action, en même temps, nous pensons utile maintenant, au stade où nous en sommes, de mettre en place un collectif très bien structuré, 8, 10, 12 personnes, voilà, des bonnes volontés seront les bienvenues, et peut-être pourrions-nous dès maintenant arrêter l'idée, parce que je sais qu'il y a une initiative sur les jardins, normalement en janvier, prévue par les collectifs, donc peut-être se dire, deuxième dimanche de février, qui doit faire le 13 février, on pourrait se retrouver, on verra sous quelle forme. Voyez, donc voilà, on propose. Voilà. Merci. Alors, on va donner la parole à d'autres collectifs. Je voulais juste vous dire qu'on a un gros big up des gens du plateau de Saclay, voilà, qui nous soutiennent aussi, qui sont un peu plus loin, mais qui nous soutiennent aussi. Alors, moi, j'enlève mon masque parce que je vais pas réussir à parler. Bonjour. Donc je m'appelle Dolores, je ne suis pas toute seule, on est plusieurs du collectif d'un jardin que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Jardin ouvrier des Vertus, qui est au fort d'Aubervilliers. C'est un magnifique espace, très poétique, avec des cabanes de briques et de broc, un jardin jardinier depuis 1935. Je ne vais pas faire long, je n'ai pas préparé de discours, on est plusieurs, il y a mon collègue Ziad là qui va nous rejoindre. On est victime de ce saccage 2024, de ces JO qui s'appellent JO Paris, et qui en fait se déroulent sur la Seine-Saint-Denis et bétonnent la Seine-Saint-Denis, donc c'est pour ça qu'on est là. Chez nous, vous le savez sûrement, c'est une piscine olympique, enfin d'entraînement olympique, qui va aller sur un parking qui est contigu à nos jardins. En fait, il est dans la continuité. En fait, ça leur sert de cheval de Troie, parce qu'à l'aide de cette piscine, en fait, ils rentrent sur les jardins et ils vont nous construire un immense solarium minéral. Vous viendrez tous bronzer chez nous. Un solarium minéral de 2000 mètres carrés. Ouais, il y a beaucoup de solarium minéral, fitness, spa, vous viendrez faire du sport. Un équipement identique qui se trouve sur Vincennes, l'entrée est à 22 euros. Donc voilà, je vous laisse réfléchir sur la pertinence de cet équipement dans notre banlieue. Donc nous, on est révoltés. Normalement, en avril, on commence à nous descendre des cabanes. Et ce qu'on a appris très récemment, enfin, on savait qu'on voulait nous relocaliser une partie de ces jardins qui vont être détruits pour le solarium, etc. Derrière nos Pantins, des jardins familiaux de Pantins, ils sont là, qui sont dans la continuité des nôtres. Donc on avait cette information-là, et récemment on vient d'apprendre qu'en fait, non, ils vont détruire chez nos amis de Pantins 50 jardins, pour tout, alors qu'ils sont juste derrière les nôtres. Pour pendant 9 mois mettre toutes les affaires des jardiniers dans des containers, même les arbres, hein, les arbres de moins de 3 ans, on propose de les mettre en jauge, etc. Et ensuite, au bout de 9 mois, tous ces pauvres jardiniers qui auront attendu centaines, on va les mettre là. Et puis, fin de l'opération tiroir, il y a un petit bois qui s'appelle le bois des gendarmes, qui est sur la ZAC, l'aménagement du fort d'Aubervilliers. Ça va être détruit et hop, on va rebasculer des jardiniers là-bas. Vous voyez, en fait, ils fonctionnent avec nous. C'est du foncier. Le fait que il y a des gens qui cultivent, que ce soit des magnifiques terres qui sont cultivées depuis 1935, ils n'en ont rien à faire. Et en fait, ils nous prennent comme des petits pions et ils nous déplacent. Voilà. Et donc, on est absolument contre. Ce que je vous propose, ce document, il y a un QR code là-bas. Vous pouvez aller flasher le QR code où il y a un lien. Vous pouvez charger, c'est le document qu'on a, que nous, le collectif, on a fabriqué. On a un architecte dans le collectif. Et il y a aussi un papier sur lequel vous pouvez votre mail. On fait une newsletter pour vous informer de où on avance dans notre lutte. Lundi, donc demain, nous déposons un recours juridique pour demander l'abrogation du PLU. Voilà. Merci. Et le permis de construire, on a déposé, nous allons aussi attaquer le permis de construire dans la suite si on n'arrive pas à obtenir l'abrogation du PLU. Je propose à Ziad s'il veut compléter quelque chose. Non ? Si vous avez des questions, moi je réponds aux questions. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà. Bravo. Merci. Donc tu viens derrière, okay. Derrière l'enceinte. Tu parles, Hubert, c'est ton jardinier, on parle pas. Tous les deux ouais, okay. Vous m'entendez ? Donc bonjour, marche derrière l'enceinte, sinon il y aura... Par là. Non mais viens Hubert. Oui, d'accord. Parce que c'est Hubert le jardinier en fait. Ah, déjà. Voilà. Donc Marjorie Keters, habitante de Pantin, gilet jaune et membre de PEPS 93, c'est un mouvement pour une écologie populaire et sociale. Donc c'est un mouvement qui vise en fait à fédérer les sociaux et les mouvements écologiques pour promouvoir une écologie populaire. Donc en fait hier j'étais avec mon copain Hubert qui est jardinier au jardin ouvrier de Pantin et qui elle mercredi dernier à tous les habitants de venir visiter les jardins ouvriers de Pantin qui sont menacés de destruction. Donc Hubert, il va raconter un peu ce qui s'est passé parce qu'il le... Mais en tout cas, nous, on est là, on est déterminés pour défendre l'écologie populaire, pour défendre les espaces de respiration qu'il y a dans le 93 et pour défendre toutes les terres cultivables parce que c'est complètement fou de se dire que pour... pour de la spéculation immobilière, vont bétonner des espaces alimentaires alors qu'on est en pleine crise et qu'on est quand même le département le plus pauvre de France. Donc là, en fait, on lutte à travers ces luttes sur les jardins ouvriers, sur l'air des vents. En fait, on lutte aussi pour pouvoir vivre correctement, pour avoir le droit de respirer, contre la gentrification, contre la bétonisation. Et si on s'y met tous ensemble, on va gagner. Merci Marjorie. D'abord, merci aux jardins d'Aubervilliers qui nous ont agréablement nourris avec une bonne soupe de potiron. La soupe de potiron qui, quand même, vient des jardins d'Aubervilliers. Nous, on est les jardins de Pantin, donc on se touche, on est voisins. Jusqu'à maintenant, on nous a rien dit, on n'était pas au courant de rien du tout parce qu'on n'était pas concernés. Et on a reçu la semaine dernière une lettre pour 50 jardiniers, pour nous apprendre qu'à partir de fin janvier, on n'avait plus le droit d'y aller. Voilà, donc on a vachement le temps de se retourner, hein. donc on a un mois et demi. Ils vont supprimer nos jardins, alors parce qu'ils construisent la piscine à côté, hein, donc pas sur nos jardins, uniquement pour pouvoir mettre les gravats. Donc ils vont passer un bulldozer, ils vont pendant un an, et dans un an ils vont refaire une espèce de petit parc avec des petits lopins de terre et des belles petites cabanes, un truc bien nettoyé, bien propre comme ils aiment, parce que nous c'est un petit peu sauvage, hein. Il y a des animaux, c'est incroyable, des bêtes, c'est très beau, c'est juste autour des courtilières, à côté des courtilières, donc un quartier qui a vraiment besoin d'un poumon vert. Eh bien, d'ici peu, il n'y en aura plus, parce que, évidemment, c'est pas fini. Après, ils vont continuer. Ils veulent que tout soit propre, que ce soit beau pour les gens qui viendront sur le fameux solarium. C'est pas les gens des courtilières qui iront, hein, faut pas rêver. Voilà. Donc, on peut pas accepter ça. C'est 100 ans d'histoire, les jardins ouvriers. Là, ils vont les raser pour des raisons complètement absurdes. Donc, on va se battre avec vous, puisque c'est le même problème pour tout le monde. Merci. Oui, bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les jardins d'Aubervilliers? Ou sinon, vous pouvez peut-être vous voir dans le... Voilà, oui. Alors, moi, je voulais apporter le soutien d'une lutte que vous avez certainement, dont vous avez certainement entendu parler, qui est celle de la forêt de la corniche des forts de Romainville. Voilà, les travaux sont... On peut dire qu'on a perdu. Alors, est-ce qu'on a perdu vraiment? C'est un peu la question qu'on se pose, et qu'on s'aperçoit aussi que notre lutte a été tellement exemplaire, puissante. On fait un petit peu peur quand même à notre voisin des Lilas, hein, qui avait peut-être des projets pour lesquels il va renoncer. Et puis surtout, vous dire tout notre soutien, mais on soutient depuis le début, depuis, etc. Donc on débarque pas aujourd'hui. Vous dire aussi que les protections, entre, je mets des guillemets énormes, parce que les protections d'espèces protégées, nous on en a perdu sur simple dérogation, on en a perdu, hein. Donc c'est un peu le même, on avait 27 hectares d'une forêt naturelle exceptionnelle, hein, en Île-de-France et même peut-être en France, complètement naturelle, qui avait prospéré sur les ruines d'une exploitation, et qui avait des arbres de 30 mètres de haut, de 25 mètres, de 30 mètres, de 35 mètres, enfin un truc extraordinaire, complètement unique, et on les a perdus. Voilà, alors, nous aussi on a des compensations à faire, etc., enfin bref, c'est immonde. Et franchement, tous ces classements et toutes ces pseudo-protections légales, elles tiennent rien contre le bulldozer et contre les bulldozers. Nous, on les a vus, hein, on s'est mis devant. On n'a pas pu gagner. Voilà. Alors, vous dire que, bon, ben, effectivement, toutes ces mobilisations, qu'elles gagnent ou qu'elles perdent, elles laissent des traces quand même. Et de toute façon, on n'a pas que de se retrouver et de s'opposer. Voilà, donc bon courage et bonne chance à tout ce qui se passe dans l'air des vents, que ce soit de la faune, de la flore, et puis aux habitants qui aussi viennent respirer ici. Notre témoignage est notre soutien surtout, et on est bien sûr parmi tout le monde et parmi, donc on se connaît d'ailleurs, hein, on se retrouve à Gonesse, on se retrouve un peu partout, donc voilà. Voilà, je salue tout le monde en même temps. Merci à vous. C'est pour quel collectif? Oui, l'association. Nous aussi on vous soutient, nous c'est l'association Le Pré en Transition, Pré Saint-Gervais. On vous a soutenu aussi pour le Central Park, on le trouve déplacé, on va dire. Et le Prince Saint-Gervais, on se bat pour le même, pas pour la même chose que vous. Nous, on a moins d'espace vert, puisqu'on est la ville d'Europe où il y a le moins d'espace vert, où il y a moins de 2 mètres carrés par habitant. Et on se bagarre avec implanter une forêt urbaine sur une friche industrielle. Et la mairie a envie de construire et toujours construire. Et il faut savoir que, enfin, vous voyez comme dans les journaux, toutes les études en ce moment qui montrent la relation entre la pollution et les maladies. Et on a eu aussi une triste palme cette année, puisque près Saint-Gervais, c'est là où il y a eu le plus de morts du Covid d'Est Ensemble. Donc on se bagarre avec déjà des pétitions. On a 3000 signatures. Et là, on se bagarre sur le plan juridique avec un recours contentieux sur le PLU et le PLUI. Et il faut savoir qu'il faut être extrêmement courageux pour les citoyens de comprendre ce qui se passe exactement avec ces affaires PLU, PLUI. On a effectivement, c'est fait pour laisser passer le bulldozer tranquillement, parce que se taper toutes les pages et trouver toutes les failles. On en a trouvé une avec nos amis de France Nature Environnement, c'est que il faut savoir que sur Est Ensemble, ils ont déjà dépassé de 25% que le SDRIF normalement oblige à Est Ensemble. Donc on a déjà dépassé le quota, mais ils continuent quand même à bétonner, et ça, c'est vraiment pas bon pour la santé. Et on vous défend ici, et bon courage à Tsi. Ok. Alors, je vais juste faire parler un collectif qui n'a pas parlé. C'est, du coup, on en a, je dis un mot sur le plateau de Saclay. Voilà. J'ai juste envie de dire qu'on ne peut plus dire qu'il n'y a pas de lutte locale en Île-de-France. Donc bonjour à tous, moi je suis là pour représenter, enfin je représente le plateau de Saclay, enfin le collectif sur le plateau de Saclay. Nous on a une ligne de métro bidon qui arrive dessus, qui va nous détruire des terres cultivables. On a un projet aussi spéculatif pour construire des habitations sur tout table. On a l'université Paris-Saclay qui a été renommée fraîchement. Tout ça, on nous bousille tout. Nos agriculteurs, nos agricultrices sont expropriés. On a aussi des zones classées qui sont déclassées, des espèces relogées. On sait très bien comment ça se passe. On est là aussi, on vous soutient. J'ai pas beaucoup été présent sur des luttes autres comme ici. Il y en a certains de notre collectif qui vous connaissent, que vous connaissez aussi peut-être. On va toujours être là, on vous soutient. On a aussi le problème de la bétonisation. C'est un fléau partout, et non au béton, vous avez raison, continuez à fond pour vous. Merci. Du coup, il y a deux, trois personnes qui voulaient prendre la parole, donc à qui je vais passer le micro, et puis après, comme il commence à faire un petit peu froid et que le jour est en train de tomber doucettement, on vous proposera d'aller voir l'œuvre d'art qu'en sont en train de faire les copains-copines. Et d'essayer de se faire un petit final en beauté avant de repartir tranquillement chez soi. Oui, bonjour. Frédéric Vielle de Non au JO 2024 à Paris. Je voudrais dire à quel aujourd'hui est extrêmement importante, et surtout la convergence des mobilisations. Parce que véritablement, il n'y aura pas de JO sympathique, il n'y aura pas de JO écologique. Il n'y aura pas de JO qui ne soit. Et nous avons intérêt collectivement à faire converger toutes les luttes comme c'est en train de se passer aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important parce que véritablement, il n'y a aucune raison que les JO en France se passent différemment que ce qui s'est passé dans les éditions précédentes. À chaque fois, il y a eu de la spéculation. À chaque fois, il y a eu de la bétonisation. À chaque fois, il y a eu des populations virées, plus ou moins manu militari, plus ou moins brutalement. Quand tout à l'heure, j'entends quelqu'un qui nous explique qu'on met les gravats sur les jardins, eh ben, il n'y a pas de quoi s'étonner quand on regarde ce qui s'est passé auparavant. C'est absolument dans la logique de ce qui se passe à chaque fois avec les Jeux Olympiques. Et donc, on a intérêt à faire et aussi à prendre au sérieux le fait de refuser les Jeux Olympiques en tant que tels. Tout à l'heure, Natsuko a dit quelque chose d'important. Il est possible que les Jeux Olympiques de Tokyo, qui sont la prochaine épisode, là, qui arrive en juillet 2021, il est possible qu'ils soient annulés à cause du coronavirus. Ce qui voudrait dire que les nôtres coûteraient encore plus cher. Je rappelle qu'il y a une loi olympique qui dit quelque chose de très simple. Ce qui est et en excès, c'est pour nous. C'est nous qui payons. C'est les contribuables. C'est pas le CIO. C'est nous. Tout ce qui est en excès, c'est nous qui payons. Et on a aussi dans la loi olympique, d'ailleurs je vous ferai remarquer quelque chose qui est assez peu connu, Jean des HLM est mobilisé pour construire le village olympique. C'est quand même pas mal ça quand même. Enfin je veux dire, dans la situation actuelle, c'est quand même beau. Hein. Bon. Donc véritablement, c'est important que nous convergions dans nos luttes, que les uns et les autres, que nous nous coordonnions et que nous allions au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est l'opposition aux Jeux Olympiques. Merci de votre attention. Alors, moi, ça va être rapide. Je fais partie du collectif Notre Parc n'est pas à vendre. Je voulais juste alerter parce qu'on commence à avoir des informations de lettres posées dans les boîtes aux lettres de la ville de Duny, par exemple, sans être signées, ni par un élu, ni pour un parti, disant que les collectifs disent des âneries, déclarent que le parc n'est pas en danger, bien au contraire, qu'on travaille pour la population. Donc moi, je tiens juste à alerter sur le fait de la division, sur le fait du manque d'information, sur le fait, mais ce n'est pas une découverte, du manque de transparence, donc d'informer la population que bon nombre d'élus ne font pas. Nous avions des exemples tout à l'heure sur le département qui n'a fait aucune communication sur une décision décisive qui est la cession des terrains pour le CIO. Si nous avions prêté attention en 2015, quand nous avons commencé notre mobilisation, mais le parc, il n'est pas en danger, mais pas du tout. Mais on n'a pas prévu de le vendre, mais pas du tout, vous avez mal compris. Eh bien, on n'aurait pas gagné la bataille contre Castro. Si on avait écouté au début de cette mobilisation que l'ennemi, on n'aurait pas été à la bataille. On n'a rien écouté, on a écouté d'abord nos convictions, qui étaient l'intérêt général, qui était l'intérêt de défendre le commun, et de rappeler à chaque fois et à chaque nos mobilisations que l'objectif, c'est simplement de répondre à ce que devraient nos représentants élus, de défendre l'intérêt général et ce qu'on a de commun. Cet espace nous est commun, cet espace nous appartient, c'est à nous de décider de son avenir et certainement pas autour d'une table à 3 ou à 4 pour décider de l'obtention ou la transmission de nos biens et de notre patrimoine. Donc je rappelle tout à l'heure, et ça je rejoins complètement le collègue avant moi, l'importance de se réunir à chaque combat. Quand on va à Gonesse, on n'y va pas pour défendre les gens, et on y va pour défendre le commun. On est ravis de la convergence de ce jour. Ça prouve aussi que, en étant réunis à plusieurs, on peut aussi porter une parole à ceux qui prétendent que nous sommes juste quelques pèlerins à prêcher une parole totalement fausse. Bien au contraire, on a un pouvoir qui est le nôtre, électoral. Je rappelle qu'il y a des prochaines échéances au niveau des élections départementales, et c'est là aussi où on a notre parole. Il y a des échéances au-delà, dans 2 ans, c'est là aussi où nous avons notre parole. Et d'ici là, il faut absolument que chacun ramène 10, 15 personnes à signer des pétitions. À notre parc n'est pas à vendre, ne se présente tous les derniers dimanches du mois à la maison du parc pour continuer à informer, parce que le parc continue à être en danger. À partir du moment où on commencera à le réduire de 7 hectares, et comme disait un des élus qui a voté la session jeudi dernier, que 7 hectares, non, c'est trop 7 hectares. On ne veut même pas laisser 100 mètres carrés à n'importe quel projet de spéculation immobilière. Si on cède cette part de 7 hectares, c'est le début de tout. Plus rien ne nous appartiendra. Donc attention à ce que vous allez commencer. Ça ne sert à rien d'y aller s'il faut y aller. Ne les croyez pas. Si, croyons d'abord entre nous et transmettons l'information, et prêtez pas attention à ces âneries qui viennent de leur part. Merci. Merci. Et un autre témoignage ou un autre collectif qu'on aurait oublié, qui n'a pas pris la parole. Ok. Bonjour à tous. J'avais pas forcément prévu de prendre la parole, mais bon, je vais vous parler d'un collectif français à se créer, enfin qui s'est créé en juillet de cette année et qui s'intitule Des Tartres faisant terre commune. Les Tartres, c'est 22 hectares de terre qui sont à quelques centaines de mètres d'ici et qui sont des terres agricoles sur lesquelles on avait encore quelques maraîchers. Ça s'inscrit un petit peu dans la continuité géographique et territoriale de Garges-lès-Gonesse, enfin des terres de Garges. Si ce n'est que la zone des Tartres, en fait, elle a pour particularité de constituer une friche au milieu des quartiers populaires qui représentait jusqu'à il y a quelques années 60 hectares. Au cours des 5 dernières années, ces 60 hectares qui devaient faire l'objet d'une protection de la part de la communauté d'agglomération ont été amputés de plus de la moitié. C'est-à-dire que des 60 hectares, on reste aujourd'hui un projet d'aménagement espace vert, même pas maraîcher, mais disons agriculture urbaine, mais les élus eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent mettre derrière agriculture urbaine, qui reste autour de 22 hectares. Voilà. Alors, en fait, on a commencé à essayer de construire une bagarre avec les habitants des quartiers populaires du Clos Saint-Lazare, Astin, de Saint-Denis et de Pierrefitte, parce que la zone des Tartres est en fait divisée sur ces trois villes. Elle est juste en face de l'université Paris 8, pour ceux qui voient où ça se trouve. Avec l'idée, et voilà, je le dis, enfin, je suis un peu simple aujourd'hui, mais l'idée, c'est qu'il y a aujourd'hui, on est en pleine période de crise économique. Dans ces quartiers populaires, on a énormément d'habitants qui sont dans des situations de perte d'emploi. Et parce que, par ailleurs, que les Gilets jaunes, dont je fais partie, s'étaient inquiétés de la question de l'alimentation saine pour les quartiers populaires, on avait essayé de mener des expérimentations et on s'est rendu vite compte tant qu'on ne remettait pas à disposition en zone urbaine des terres agricoles pour les habitants des quartiers populaires, on ne pourrait pas leur assurer une alimentation. Donc aujourd'hui, le collectif des Tartres faisant terre commune, c'est un collectif qui se bat pour la récupération des terres agricoles et pour la remise à disposition de ces terres agricoles à l'attention des habitants des quartiers populaires et jardins partagés, parce que nous on pense que les jardins partagés c'est bien, mais qu'à un moment donné il faut aussi réfléchir à d'autres modèles sur la manière dont on construit les communs, et construire les communs ça peut être cultiver collectivement aussi et remettre une partie de la production au service public des cantines etc. Enfin, il y a toute cette réflexion là qui est en cours. Donc voilà, je voulais juste vous faire part de cette expérience. Et bien entendu, on est très solidaire de tous les gens qui se battent ici, parce que ici, ça fait partie aussi des lieux de vie que fréquentent les habitants d'Austin, de Pierrefitte, de Saint-Denis. Et ce parc, il est à nous, et on ne le laissera pas vendre aux Jeux Olympiques, ça c'est clair. Merci. Je voulais prendre la parole, du coup. Vous pouvez me tenir le micro ou pas, parce que... Alors, désolé, mais... Comme je ne suis pas un tribun, je vais lire un petit peu. Je suis Christian Chassot, le secrétaire national du Mouvement national de lutte pour l'environnement. Vous connaissez donc son comité 93. Je ne vais pas revenir sur les argumentations. Vous êtes convaincus, donc je ne parlerai pas de la biodiversité, de l'utilisation par le public. Il y a eu des témoignages. Je voudrais évoquer plutôt le pourquoi on est dans cette situation. Pour moi, c'est l'abandon de nombre d'élus, pas tous certes, mais de nombre d'entre eux. L'exigence de gestion, la pression des demandeurs de logement qui est réelle en Île-de-France, bien qu'en France, il y a assez de logements pour loger tout le monde. Mais c'est l'appel des métropoles qui sont aujourd'hui qualifiées de barbares, par exemple, par Guillaume Faburel. Donc, il y a aussi les problèmes pour les collectivités locales de la réduction des crédits d'État, qui les poussent dans leur retranchement de gestionnaire, en quelque sorte. Donc, cette situation vient non des politiques locales, mais plutôt des politiques nationales menées depuis des décennies, qui considèrent que le marché est la clé faisant fonctionner la société. Force est de constater que c'est bien erroné. Et cela fait des années qu'au mouvement national de lutte pour l'environnement, que nous ne sauverons le climat, la planète, ni l'humain, sans sortir du capitalisme. Nous vivons dans une métropole, je viens d'en parler, métropole absolument barbare, mais comme toutes les métropoles au monde. Il faut que l'aménagement du territoire rééquilibre, et en particulier les activités, parce que pourquoi les gens viennent s'entasser en Île-de-France ou dans d'autres métropoles, c'est dans l'espoir de trouver du boulot. Il convient donc que nationalement, l'aménagement du territoire redevienne une réalité, de manière technocratique comme ça s'était fait par le passé, mais que dans l'élaboration des orientations, pas seulement des projets aussi bien sûr, les citoyens soient associés. Cela éviterait l'épuisement des militants lors des clics sur des projets ficelés, objet de dossiers indigestes, comme on l'a vu, il y a celui de la gare du Nord, qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, bon, il y a Gonesse, etc. Sans doute, cela nécessite une réduction du temps de travail pour que les citoyens aient occupé de la vie publique. Et pourquoi pas inclure dans ce temps de travail des moments pour cela, pour la vie publique, ainsi que pour la formation, car nous n'avons pas tous la même sensibilité aux réalités sociales et environnementales. Donc vraiment la question d'une révolution sociétale. Si c'est le rôle des partis politiques de proposer de tels projets, les associations comme les nôtres, viviers d'idées, peuvent contribuer au dessin d'une bonne société. Le MNL d'éducation populaire est prêt à participer. Donc tous les partis qui voudront nous entendre sur ces questions, nous sommes ouverts. On aborde l'énergie, la biodiversité, l'eau, les forêts, les abeilles, la nutrition, la lutte contre les armes nucléaires notamment, qui bouffent des sommes colossales qui pourraient être utilisées à bien d'autres utilités. Et nous sommes aussi des spécialistes grâce à notre conseil scientifique. Nous allons d'ailleurs, dès l'année prochaine, à partir du mois de mars, organiser un forum mondial de l'eau. L'eau qui est une question cruciale. L'eau, source de vie, pas de profit, nous disions. Voilà, pour faire très court, ce que je souhaitais vous dire, vous invitant à redoubler de courage pour toutes ces luttes qui nous épuisent, comme je disais tout à l'heure, ces luttes continuelles. Et pour cela, et je souhaite que cela amène un maximum de citoyens à s'impliquer, en plus des associations, dans la vie politique, qui est la seule possibilité, à mes yeux, de changer la société, de changer efficacement le monde. Car nous voyons bien toute l'énergie que nous dépensons en action victorieuse, bien sûr, mais pas toujours, on a entendu un exemple tout à l'heure. Et nos actions, même nos victoires, laissent les grands majors de l'eau, de l'énergie, de la distribution, continuer dans leur coin et dans le plus grand secret, leurs pratiques écocides. Et on voit bien que sans changement politique, nous n'arriverons pas à gagner sur les tableaux importants, et notamment sur la préservation de la vie des humains sur la planète. Donc, je sais bien, ces luttes sont intéressantes parce qu'elles créent du lien entre les différentes associations. Mais il faut aller encore plus loin. Je vous remercie de m'avoir, de votre patience. Ok. Oui. Je ne sais pas si, du coup, voilà, s'il y a des gens qui ont envie de prendre le micro. Oui, on va demander envie de s'exprimer avant de la désigner. Est-ce que vous voulez parler? Allez, il ne mord pas. Bonjour à tous. Je m'appelle Brian et je suis accompagné de mes trois amis, Kylian et Elvis. C'est nous que vous avez vu sur la photo. Et moi, je tenais à dire que c'est dommage de gâcher tout ça, parce que franchement, c'est en plus les parcs et les arbres, tout ça, contre la pollution, ça nous aide à réduire la pollution. Et on sait qu'on est dans un monde aujourd'hui où la pollution est très élevée. Et moi, je pense que c'est vraiment dommage de gâcher tout ça. Et moi, je suis contre parce que c'est pas 10% des habitants de Juni qui vont habiter dans les bâtiments qu'ils vont construire. Donc moi, je dis que on défend notre parc, parce que notre parc, il n'est pas à vendre, comme on le sait tous. Et merci à vous. Merci à toi. Avant d'aller voir la cabane, la dernière fois que je suis venu ici, j'ai parlé d'une lutte à la fin des années 80-90 qui était du bois de Bernouille à Couvron, Vaujours. C'est une lutte aujourd'hui où les historiques sont plus là parce que ils étaient déjà assez vieux à l'époque. Moi j'avais 10 ans, les aides, on n'entendait pas parler. Il y avait déjà une cabane qui avait été mise. Ils passaient avec des villes, ils faisaient des marches aux flambeaux. Et c'est pour ça que on se dit que c'est important de se dire qu'il y a des grosses luttes qui ont été gagnées en Île-de-France, et même il y a quelques années. Et la cabane, elle existe toujours. Vous allez sur le rond-point de Vaujours, elle est toujours là, elle est toujours présente. Le chemin de la Douise, il est toujours là. Même si, à nouveau, le bois est menacé par l'usine Placoplâtre à Vaujours, qui avait été... l'agrandissement avait été fait en grande pompe avec le président Sarkozy qui était venu à l'époque à Vaujours pour se féliciter. Vous avez une fumée blanche qui saute sur 24 de cette usine. Et c'est aussi bien de se rappeler un petit peu de ce qui s'est passé en Île-de-France et qu'il y a eu des précédents. Donc sur ce, moi ce que je vais vous inviter, c'est à aller voir cette cabane qui symbolise cette lutte, ce virage que prend cette lutte. Après, on m'a soufflé à l'oreille, dans l'oreillette que je n'ai pas, c'est qu'ici on est sur l'air des vents, et en fait vous avez des barrières autour de nous qui symbolisent en fait tout l'endroit qu'ils veulent bétonner. Une partie de la barrière est déjà tombée, donc avec les moyens que chacun estime être le meilleur, de souffler fort, ou peu importe, et que cette grille, elle tombe. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous propose là dans les prochaines minutes, d'aller voir la cabane, de venir avec nos drapeaux, nos messages, tout ce qui a été dit, et après de souffler vers ces grilles pour qu'elles tombent et pour que le parc soit ouvert et reste comme il est. Merci beaucoup.